Le chat du rabbin de Johann Svarr, publié chez Dargaud. Adaptation radiophonique Catel Guillou. Cinquième épisode. El Rebibo. Mon maître était le dernier client dans le restaurant. Les autres étaient tous partis. Depuis une heure, on attendait Rebibo pour payer le serveur. Raymond Rebibo, c'est mon neveu. C'est moi qui l'ai tenu sur mes genoux le jour de sa circoncision. Ah bon? Oui, et c'est moi aussi qui lui ai donné sa première cigarette pour sa bar mitzvah. C'est une grande célébrité à Paris. On ne le connaissait pas. Non, je n'ai pas cet honneur, monsieur. Tonton, je suis là. El Rebibo, saigne sur toi, mon fils. Comme tu es beau. Viens, je te bénisse. J'y croyais pas, mais il a vraiment payé le restaurant. Et on est reparti ensemble. Pourquoi tu portes une valise de Shabbat, mon fils? C'est mon costume de scène, tonton. Parce que tu vas faire ta lessive un vendredi soir? Mais non, tonton. C'est bizarre. Un peu de deux. Tous les curés que je connais, ils se disent mon père, mon fils. Ceux-là, ils se disent tonton. Et ouais, c'est comme ça qu'on dit à Jérusalem. Ne me dis quand même pas que tu travailles un soir de Shabbat. Tonton, à Paris, quand on est chanteur, on ne peut pas faire autrement. Le vendredi, c'est un soir où il y a beaucoup de public. Tu crois que tu es obligé? Mais en réalité, non. Je connais l'histoire d'un juif. Il avait une boutique et il a décidé de fermer le samedi. Et bien, depuis qu'il ferme pour Shabbat, il a encore plus de clients le reste de la semaine. Mais il travaille pas dans la chanson, ton juif, tonton. Dans la chanson? Non, il travaillait pas dans la chanson. Écoute, je ne veux pas t'imposer la vision d'un type qui transgresse le Shabbat. Alors je vais te déposer chez moi et après, j'irai chanter. Non, je veux t'entendre. Je suis fier de toi. Tu crois que je pourrais avoir honte de toi parce que tu transgresses un commandement de Dieu? Un commandement sur 613. Et je devrais me priver du plaisir d'aller écouter mon petit Raymond. Allons. Et comment il s'appelle ton théâtre? Le Grand Guignol, tonton. Je connais pas celui-là. C'est un peu... comique? Tonton, je crois que c'est pas une très bonne idée que tu viennes. Quoi? Il y a des femmes nues, c'est ça? Non. Bon, alors je viens. Alors, c'est ça le Grand Guignol? Tu as une loge à toi? Ou tu partages avec d'autres artistes? Je me change là, tonton. Garde-moi mes affaires, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est que ce théâtre où les artistes, ils se changent dans la rue? Je travaille pas vraiment dans le théâtre, tonton. Joli tadjé là-bas. Mais pourquoi tu t'habilles en arabe? Tonton, laisse-moi travailler maintenant. Raymond, tu vas pas chanter dans cette tenue? Arwa, arwa, mon ami. Petite chanson de ma casbah pour patienter avant le théâtre. Ah, j'adore les chanteurs des rues. C'est ça l'âme de Paris. Ils me font bien rigoler les touristes avec leur sacré cœur. Le cœur de la ville, c'est dans ces chansons qui bat. Moi, je te le dis. Alors écoute, chat de l'évêque. C'est la France qui te parle. Ah, Sidi Belabès, à mon joli pays. J'ai quitté l'Algérie pour venir à Paris. Avec ma caisse sous le bras et pour gagner ma vie. Je cherche à en faire de bile. Arwa, arwa, jolie Fatma. Moi faire pour toi beaucoup bouz, si tu donnes du flouze. Je suis le petit sireur qui sire toujours de bon cœur. Anana, arwa, anana, arwa. Excellent. Là j'ai trop ciré, ma brosse elle est cassée. Du flouze il y en a pas, moi j'y suis dégoûté. Je pourrais plus cirer les jolies petites madames, et j'y peux retourner au pays des bananes. Merci. Merci beaucoup. Il y a pas un petit bonhomme. Merci. Hein? Merci bien à vous. Mon maître était tétanisé. On aurait dit qu'il cherchait à se fondre dans le mur. Madame, elle est enceinte, elle est jolie. Bravo. Et voilà, ça me fait au moins 15 fois. C'est ça ton métier? En fait, j'essaie d'écrire pour une chanteuse, mais c'est dur. Ça marche mieux. Comme ça, dans la rue? Eh ouais. Mais pourquoi tu fais semblant d'être un arabe? Pour faire le juif, il faut l'accent polonais. Et je sais pas le faire. Oui, parce que juif du Maghreb, ça les intéresse pas trop, les gens. Pourquoi? Ça leur complique, tu comprends? Et le public, tonton, il aime pas les choses compliquées. Jacques, t'as envie de faire l'amour avec moi ou pas? Slabia, nous sommes dans la maison de mon père. C'est Shabbat. Le Shabbat, c'est un devoir d'honorer son épouse. Tous les autres jours de la semaine, c'est permis, mais Shabbat, c'est obligatoire. Ah, qui a dit ça? Maïmonide. Bon, écoute, mon soleil, chez mon père, ça m'ennuie. Hein. Tu peux comprendre ça, quand même. Slabia, mon amour. Ah, hey. Eh ben, mon loulou, tu t'es perdu. Tu habites dans cette rue, mon fils? Tu n'as pas une autre mauvaise nouvelle à m'annoncer, au moins? Non, tonton, t'inquiète pas. On habite là parce que c'est moins cher, c'est tout. Pas un macro et ma fiancée n'est pas une pute. Ah bon? Tu sais où on va, là? Aucune idée. Non, parce que si on va retrouver d'autres ecclésiastiques, moi, ça me dit rien du tout. Par contre, elle est catholique. Quoi? C'est Sachu avec cette jeune personne? Écoute, tonton, si tu veux tout savoir, je suis fidèle. Mais comme c'est une chanteuse, elle s'envoie en l'air avec à peu près tout Paris. Alors quand elle ne rentre pas la nuit, je me saoule et si ça continue, je vais me foutre en l'air. Ah, alors comme ça, il n'y a pas vraiment de projet de mariage, c'est ça? Le neveu a voulu donner son lit au rabbin, mais le rabbin a insisté pour coucher sur le canapé. Tu sais ce qui manque dans cet appartement? Non, quoi? Un chien. Les musiciens aiment bien s'entourer de petits animaux. Ça leur permet d'extérioriser leur trop-plein de tendresse. Tais-toi. Attends. Il y a quelqu'un qui vient. Va voir. Va voir derrière la porte. Rencontrez sa dame, repétez sur toutes les gammes. C'était la chanteuse. Dis donc, elle est vachement plus vieille que lui, non? Bah, n'empêche, moi j'aimais bien son odeur. Alors je me suis couché contre elle. Les femmes comme elle préfèrent en général les chats aux chiens. Ça tombait bien. Ouais. Bah on voit que c'est pas toi qui t'es pris la porte. Quand le rabbin s'est réveillé, il avait le petit chien dans les bras. Non. Mais t'es un peu familier, toi. Chut. Tu vois bien qu'il y a une dame qui dort. Il y avait plein d'instruments de musique dans cet appartement. Dans la cuisine, le rabbin a trouvé un vieux banjo sans corde. Il l'a mis sur ses genoux et tout doucement, il a commencé à battre le rythme sur la peau tendue, comme si c'était une darbouka. Hey, il se débrouille pas mal, ton maître. Ouais, je crois qu'il a raté sa vocation. Le neveu s'est levé à son tour. Il a fait chauffer du café et il s'est assis à côté du rabbin. Raymond, c'est quoi l'instrument que tu tiens? Une mandole? Un canon? Non, tonton. C'est un bouzouki. C'est un grec qui me l'a donné. Et tu peux jouer du manouf avec ça? Bien sûr. Écoute. Alors ils ont joué ensemble. Le neveu aurait mérité le titre de cheikh tellement il jouait bien. Mais ces airs traditionnels qui nous semblaient joyeux en Algérie, ici sonner autrement. Peut-être que c'était juste le mauvais temps, mais entendre ça à Paris, ça avait quelque chose de poignant. Tu vois, vieux, je suis pas un tendre. Mais cette musique-là, ça me fait fondre. Mais je comprends. La chanteuse s'était réveillée. Et qu'il y ait un chat, un chien, un rabat chez elle, ça n'avait pas trop l'air de la déranger. Nous étions dans un logis hospitalier. Tu as pris de la coco ou bien tu saurais rejouer comme ça devant un impresario? Ben, tu parles si je saurais. Madame, Raymond, il joue cette musique depuis qu'il sait tenir debout. Chez nous, on l'appelait pas juste Rébibo, on l'appelait El Rébibo. Vous vous rendez compte? Il y a une audition à 5 heures chez Ventura. Vous devriez passer tous les deux. Et à qui ce chien? C'est un célibataire. Ouais. Bah s'il veut rester, faites-lui prendre une douche. Hein. Qu'est-ce qu'il chlingue? Bonjour les amis, qu'est-ce que... Le reste de la matinée a été occupé à laver le chien et à trouver une derbouka. Celle-là, elle est superbe, voyez. Il y a même de la nacre, là. Et si vous retirez la peau, ça peut faire un vase très original. Le maître a opté pour un instrument plus modeste, mais qui avait un très joli son. Le marchand n'arrivait pas à comprendre qu'on achète un tambour arabe pour en jouer et pas pour décorer son salon. Est-ce que tu peux arrêter de remuer ta queue sans arrêt? J'y peux rien, c'est la joie d'avoir un maître. Attends, et alors, moi aussi j'aime mon maître, c'est pas pour ça que je fais le ventilateur. T'es pas un chien, tu peux pas comprendre. Raymond a payé le tambour, il a prêté un costume à son oncle, il s'est vidé un pot de baume capillaire sur la tête et 3 heures avant l'heure dite, nous faisions la queue pour l'audition. Ne t'inquiète pas mon fils, je suis sûr qu'ils vont adorer. Ils rêvaient tellement à leur musique qu'ils ne s'en rendaient même pas compte qu'il pleuvait. Oui, mais écoute, les gens, ils apprécient ce qui est authentique. Si on leur fait découvrir la vraie musique algérienne... Ils ne peuvent qu'aimer ça. Moi, j'avais hâte que quelqu'un ouvre le théâtre. Tu le vois, ton nom, en gros, là, et qui clignote. Raymond El Rébibo. Dieu t'entende, tonton. Dieu t'entende. Peu à peu, des hommes et des femmes sont venus s'agglutiner autour de nous, avant que le concierge se décide à ouvrir. C'était des artistes. Arrête de tirer sur la... Le spectacle des cantatrices dont la coiffure dégoulinait sur leur robe à froufrou me faisait paraître le temps moins long. Enfin, on a ouvert. On a dû attendre encore des heures dans le théâtre. On était tous trempés. Les gens étaient un peu nerveux. Mais vous, je vous signale que j'étais là avant vous. Mais la galanterie, c'est pour les chiens. Certains avaient amené des animaux avec eux, mais tous n'étaient pas très bien dressés. Il y avait par exemple un type qui se baladait avec un babouin. Eh bien, celui-ci n'avait rien trouvé de mieux à faire que d'aller boulotter 2 colombes qui appartenaient à un prestidigitateur. Les oiseaux ! Les oiseaux ! Je profitais de la querelle causée par ce casse-croûte intempestif pour me jeter sur un ménâtre escapé du massacre. Le goût n'avait rien d'inoubliable. Mais je voyais là une opportunité de reprendre la parole. Quelque chose me disait qu'un chat parlant pourrait être d'une certaine utilité dans un futur très proche. C'était notre tour. Bon, et vous? On nous reçut sans effusion. Qu'est-ce que vous allez me faire? De la musique. Orientale. Ah oui, oui. Bon, ça va, ça va. Ils ont fait de leur mieux, tandis que le chien remuait bêtement la queue en lançant à M. Ventura des regards pleins de sollicitude. Ça va ! Mon truc de bougnoule, ça m'emmerde. Au suivant. Attendez. Mon chat, quand il veut, il peut parler. Vous allez voir. Non, c'est vrai. Viens ici, toi. Allez. Non, non, mais il va parler, il va le faire. Il m'a secoué autant qu'il pouvait. Tu vas pas me faire honte devant monsieur. Moi, j'ai fait de mon mieux. Bon, ça suffit. Mais je ne parlais plus. Peut-être que le ménate que j'avais avalé ne savait pas parler non plus. Le chien a quand même cru bon d'intervenir. Il nous a fait tous les tours qu'il connaissait. Le beau, debout sur les pattes avant, bouger les oreilles, danser sur les pattes arrière. C'était pathétique. Désolé, les numéros avec des chiens, je prends jamais. Ça emmerde tout le monde. Si vous permettez, je voudrais vous montrer une dernière chose. Ouais, ouais, allez, allez. Ah, Sidi Bel Abbès, mon joli pays, j'ai quitté l'Algérie pour venir à Paris avec ma caisse sous le bras. Et pour gagner ma vie, je tire sans faire de bine. Arwa, Arwa, jolie Fatma, moi faire pour toi beaucoup bouse-bouse si tu me donnes du flouze. Je suis le petit cireur qui cire toujours de bon cœur. Hanana, Arwa, Hanana, Arwa. Eh ben voilà, voilà, c'est bien ça. J'ai pas fini. Ah c'est bon, moi ça me suffit. Hein. Monique. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous prenez le jeune homme, là. Vous lui trouvez un costume oriental et vous demandez à l'accessoiriste une boîte en bois. Une boîte en bois? Eh oui, vous savez, comme pour cirer les godasses. Ah. Il commence demain. Ah bon. D'accord, M. Ventura, d'accord. Allez, demain, 18h. Si vous êtes en retard, je vous vire. Je paye 30 francs par soirée si la salle applaudit, sinon c'est la porte. Écrivez-moi une dizaine de chansons dans cette veine-là. Et votre fortune est faite, mon vieux. Tu vois? Merci, M. Ventura. Allez. Tu devrais accepter ce travail, mon fils. Dans ces métiers, c'est dur de se faire une place. Tu as raison, tonton. Nous vivons dans un monde imparfait. C'est dans l'au-delà que tout va bien. Oh. Allez, viens, je t'invite au restaurant. C'est gentil, mais non. J'ai rendez-vous avec ma belle famille. Allez, à la prochaine fois, mon fils. Au revoir, tonton Abraham. Bon, bah, salut. Salut. Chez les parents du mari, il n'y avait pas grand monde. Oh, je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi, madame. Ah. Voilà. Les jeunes sont partis à la Samaritaine, mais mon époux est là. Attendez, c'est par ici. Armand, le papa de la petite est arrivé. Non, attends. Armand. C'est terrible, hein. Dès qu'il est dans son bureau, plus rien n'existe. Oh ! Ah, mais c'est le fameux chat, n'est-ce pas ? Oh, comme il est mignon, gars ! Yo, yo, no, no, no. Bon, allez, venez, je vais vous présenter à mon mari. C'est par ici. Je peux attendre. Non, non, non, je vous en prie. Armand ? Armand, tu peux t'occuper un petit peu de monsieur, s'il te plaît ? Venez voir ça, c'est extraordinaire. Monsieur Naoum, je suis le papa de Zaria. Oui, oui. Venez regarder dans mon microscope. Allez, soyez sage. On m'avait dit que dans le tabac Neptune, il mettait du chocolat. Je n'y croyais pas, hein. Et pourtant, regardez ses fibres. Ce n'est pas juste un arôme, c'est bien la plante elle-même. Ah, tiens. Dorénavant, je pourrai fumer tout en ayant la satisfaction de manger du chocolat en même temps. Vous en voulez? Je vais d'abord attendre un peu. Quand il fera bien nuit, le Shabbat sera fini. Alors je pourrai fumer avec vous. Comme vous voudrez. Alors comme ça, nous sommes de la même famille maintenant. Je suis content, vous avez l'air d'un type bien. Oh, je trompe ma femme. Ça ne me regarde pas. Et je n'ai pas mis les pieds dans une synagogue depuis au moins 30 ans. Au moins comme ça, ça vous évite de déranger les gens pendant la prière. Mais pourquoi me racontez-vous tout ça? Parce que je suis un rabbin? Je n'en sais pas plus que vous. Vous savez, Je fais mes prières, pour vous, et après. Des questions, on en a tous. C'est pour moi qui vais vous apporter les réponses. Il y a pourtant une chose que vous pouvez m'apprendre. Mes enfants ont été élevés à l'occidental. On n'a jamais fait les fêtes, jamais mangé cachère, rien. Ce sont des enfants aimants, qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Ils ne me donnent que des satisfactions. Bravo, Rachel. À vos souhaits. Les juifs qu'on fréquente ont tous l'air plus français que Victor Hugo sur la barbe. Alors dites-moi, qu'est-ce qui lui a pris à mon fils de se faire rabbi? Mais quoi voulez-vous que je sache? Enfin quand même, il faut avoir été conditionné pour vouloir faire un truc comme ça. Ou bien il faut avoir souffert, être analphabète, que sais-je. Et où il va faire le rabbin en plus? En Afrique! Du Nord. Qu'est-ce que ça change? Je ne sais pas, peut-être que l'Afrique du Nord, c'est la région de son grand-père maternel. Il y avait peut-être des souvenirs d'enfance. Ou peut-être qu'il aime lire l'hébreu. Tout ce que je peux vous dire, c'est comment, moi, je suis devenu rabbin. Vous ne venez pas d'une famille religieuse? Pas trop. Je crois qu'il fait bien nuit maintenant. Je vais pouvoir fumer avec vous. À l'époque, les juifs d'Algérie n'étaient pas encore français. Là-bas, il y avait les Français, les Arabes et les Berbères. Et nous, tout en dessous. Et bien même chez nous, qui étions ce qu'on faisait de moins considéré en Algérie. Rabbin, ça ne plaisait pas. Je me souviens, ma pauvre mère, elle disait toujours, ce n'est pas un métier pour un juif. Mais alors, pourquoi? J'étais amoureux d'une Française, je lui plaisais bien, mais un juif, elle n'en voulait pas pour mari. Après, je suis tombé amoureux d'une juive, mais elle était riche et ses parents ne voulaient pas de moi. Vous n'aviez pas de situation? Non, je ne savais pas lire. C'est le rabbin qui m'a appris. Alors, la vérité, on va là où les gens veulent bien de vous. Mais, et mon fils à moi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a voulu vous faire une surprise. Une surprise? Moi aussi, je me demande bien pourquoi il est rabbin, ce garçon. C'est comme si un chat se mettait en tête de s'occuper des autres chats. Un petit chat. En tout cas, la maman, elle sait comment on doit traiter un chat. Chérie, alors, vous avez fait de belles emplettes? J'ai trouvé des robes magnifiques. Et des chaussures aussi. Ah. Regardez. Je crois que c'est la première fois que je m'achète des chaussures à talons. Enfin, je veux dire, je crois que c'est la première fois qu'on m'achète des chaussures à talons. Tu te rends quand même compte que j'ai transgressé le Shabbat pour toi. Merci, mon chéri. Peut-être que lorsque Zlabia sera maman, elle s'occupera mieux de moi. Parce que depuis son mariage, c'est nul. À suivre. Le chat du rabbin. De Johann Sfar. Adaptation. Katel Guillou. Le chat du rabbin de Johann Sfar. Est publié chez Dargaud. 5e épisode. Avec Rufus, Jonathan Cohen, Suliane Brahim, Slimane Yefsar, Laurent Ferraro, Clément Bondu, Nora Krief, Philippe Bautier, Kamel Abdelli, Xavier Brossard, Patrice Bornand, Marie-Christine Horry, Johanna Nizar, Jean-Pierre Becker, Jérémy Boireau, Anouche Paré, et les voix de Christine Braconnier, Christophe Chen, Henri Alexandre, Marc Léonian, Étienne Grebout, Grégoire Boja, Patrick Michaelis, François Perrache, Thomas Ducasse, Félicien Jutner, Mélissa Barbeau, Morgane Eno, Aladair Bouka, Adèle Rababa, Eo Bouzouki, Emra Captain. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, Cédric Aussire.